Enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Pagette Nancy 94.2. Xavier à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter ce patchwork numéro 50 à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage en Argentine, trois coups de chapeau à Gladys La Bomba, une promenade en chanson française autour du tango et bien entendu le tout étoilé de Zouk Effréné. Zouk, eh ben on commence par le Zouk, un très beau duo, de belles voix, un rythme bien chaloupé, une dose de créole, une dose de compas, à vous d'apprécier, régulard, Steven Morris. Crime, alors appelle la police. J'ai le cœur qui chavire, ça se sent quand je respire, je ne peux rien retenir. C'est mon âme qui s'exprime. En amour, je suis novice. J'aimerais franchir la ligne, te toucher, donc fais-moi un signe. Je veux que tu sois ma regular, ma Beyoncé, ma Cinderella. Tu m'as mis en orbite, je compte comme un satellite. Sois moi obligé de te là. Et ta voix résonne dans ma tête, je compte comme Parkinson. Ça fait bam bam, je suis touché, pas question que je t'abandonne. Ou seulement qui a fait moi vibrer. Ma égale, moi, peux pas quitter Wally. Sois ma régular, ma régular. Bougie, lis, mais me caprié. Mais mon cœur a flashé dès le premier rendez-vous. Je perds mes repères, d'un seul coup tout est flou. Je serai ton soldat, ta sentinelle, prêt à mourir pour toi. Je te laisse mon cœur, faisant ce que tu veux. J'ai plus rien à perdre, si tu veux, détruis-le. Toutes les nuits, je ne pense qu'à nous deux. Mon cœur est en feu. Je veux que tu sois ma regular. Ma Beyoncé, ma Cinderella. Ma vie en orbite, j'trop comme un satellite. Sont moi obligé d'être là. Et ta voix résonne dans ma tête, j'trop comme Parkinson. Ça fait bon bon. Je suis touché, pas question que j't'abandonne. Non, non, non. Non, non. Qui a fait moi vibrer. Ma égale, moi, peux pas quitter Wally. Sois ma régular, ma régular. Bougie, lis, mais me caprié. L'Argentine est un grand pays de l'Amérique du Sud, au relief très varié, où se côtoient les montagnes des Andes, les lacs glaciaires et la pampa, et puis de grandes plaines de pâturage où paissent les célèbres bovins du pays. Bon, en dehors de ça, l'Argentine est réputée pour le tango et la musique. La République argentine partage ses frontières avec le Chili, la Bolivie, le Paraguay, le Brésil, l'Uruguay et l'océan Atlantique. Population, 46 millions d'habitants, pour une superficie équivalente à 5 fois celle de la France métropolitaine. La capitale, Buenos Aires, avec 13 millions d'habitants. Autre grande ville d'Argentine, Córdoba, Rosario, Mendoza, San Miguel de Tucumán. La religion nationale, c'est le catholicisme. Et l'Argentine est un des pays les plus développés du continent latino-américain. Cela dit, l'économie est en crise depuis l'année dernière, depuis 2019. Une très forte inflation, plus de 300 000 emplois ont été perdus en 3 ans et la pauvreté atteint son plus haut niveau de ces 20 dernières années. Le pays, lui, s'étend sur 5 200 km du nord au sud et le territoire peut être divisé en 4 zones distinctes. Les plaines fertiles de la Pampa au centre du pays, le plat pays de la Patagonie au sud, les plaines sèches du Grand Chaco au nord et la région très élevée de la cordillère des Andes le long de la frontière avec le Chili dans le mont Aconcagua qui culmine à 6960 mètres. En 30 ans, l'Argentine a perdu plus de 22% de ses forêts et cette déforestation a pour cause le développement des cultures de soja, particulièrement destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, des effets dévastateurs sur la santé publique de l'utilisation à outrance des pesticides. En Argentine, il n'y a pas de langue officielle, mais l'espagnol est parlé par la quasi-totalité des Argentins. Le taux de chômage, il est de 10%, et le salaire moyen et de 800 euros. Allez, chanson argentine, Que bello, Lía Crucé. Recuerda. Coup de chapeau à Gladys La Bomba. Gladys Nelly del Carmen Jiménez est une chanteuse de musique tropicale et elle est considérée comme l'une des artistes les plus célèbres et les plus réussies. Une enfance difficile, due au mauvais traitement de son père, que son père infligeait à toute la famille, elle a débuté sa carrière d'abord dans des chorales, puis en soliste, où elle se produisait sous le nom de l'Exubérante. Et c'est en 1987 qu'un annonceur de Buenos Aires la surnomma Gladys La Bomba Tucumana. Alors le Tucumana, c'est un oiseau vert de la famille des perroquets de l'Amérique latine. Amour prohibido, Gladys. Vida.

t'es plus ma best, t'es plus dans mon top 10. J'ai envie de te faire du sale. Tu savais qu'il était tout pour moi, qu'une reine a besoin de son roi. Je ne comprends pas, tu étais ma sœur, pourquoi tu m'as fait tant de mal? Arrête, c'est bon, stop, c'est toi qui me l'as mise à l'envers. T'es parti faire la rage, m'inventer des affaires. J'ai plein d'ennemis, c'est toi qui m'inquiète. T'as brûlé mon paradis, t'as brûlé mon soleil. Pas comment faire, la roue tourne de toute façon. On est toujours trahi, ouais, ouais, par ce qu'on aime. Trahison, je retiens la leçon depuis que j'ai ramassé mon cœur à terre. La roue tourne de toute façon et on m'a dit on récolte toujours ce que l'on sème. Dis-moi pourquoi t'as mis mon cœur en enfer. La roue tourne, c'est qu'une histoire de temps. T'as tout fait dans mon dos, c'est vrai, j'ai la haine. C'est pour mon mec que t'as des sentiments. J'ai plus les mots, j'ai plus les mots. Jamais je remettrai les compteurs à zéro. T'as voulu m'endormir avec tes blabla. Tu peux dire ce que tu veux mais je croirai nada. Je te laisse, me battre pas pour lui non nana. Nana, j'ai dit nana. T'as voulu m'endormir avec tes blabla. Tu peux dire ce que tu veux mais je croirai nada. Je te laisse, me battre pas pour lui non nana. T'as tout fait dans mon dos, c'est vrai, j'ai la haine. C'est pour mon mec que t'as des sentiments. J'ai plus les mots, j'ai plus les mots, j'ai plus les mots. Mais toi et moi c'est mort. J'ai plus les mots, j'ai plus les mots. Jamais je remettrai les compteurs à zéro. Que faire en Argentine? Alors tout d'abord, Buenos Aires. Dans cette capitale aux accents européens, on trouvera l'une des reines des nuits latino-américaines, le quartier bohème de La Boca et le quartier chic de Recoleta. On y danse le tango, c'est assuré. À Congacoa, 6962 mètres, une balade au pied de la montagne ou l'ascension pour les alpinistes. Bon courage, ça monte haut, hein. Cafayate, une paisible bourgade, adossée au contrefort de la cordillère des Andes, une architecture coloniale, des bodegas et des magnifiques vignobles d'altitude. À pied les chutes d'Iguazú, 200 mètres de chute d'eau étagée, site classé UNESCO s'il vous plaît, un spectacle naturel, impressionnant, dans une végétation exubérante. Pampa Estancia, c'est ranch argentin, à la fois poumon et histoire de l'Argentine, où l'on peut partager la vie des gauchos à cheval. Et puis il y a le parc national Talampaya, un parc de 215 000 hectares, classé au patrimoine mondial, une nature sauvage et désertique, aux canyons et paysages lunaires. Le parc provincial, oh là, il faut que je prenne mon souffle, le parc provincial Ishiguanasto, autrement dénommée la vallée de la Lune, là c'est mieux pour moi, le seul endroit au monde où l'ensemble des couches géologiques des Trias ont été conservées, semées de formations abracadabrantes. Salta, surnommée la Linda la Belle, ses monuments coloniaux et ses maisons seigneuriales, une vallée à la fois jeune et traditionnelle, chanson argentine, Ahora te irás, Tiaco Grifo. Segundo, cada minuto que pasa es una eternidad perdiéndote en el alma. Vuelve la lucha en la que hay que batallar. Poco, poquito a poco me despido con coraje. Camino frente a ti, respiro y tomo aire. Y a cada paso voy dejándote pasar. Simplemente miro el cielo y me pregunto si en tu olvido llevo tiempo o como a mí te va costando caminar. Ando poquito a poco pero sigo caminando. Duele saber que llevaré aquí arrastrando partes de ti que siempre me acompañarán. Voy haciéndome fuerte mientras te veo marchar. Deuxième coup de chapeau à Gladys La Bomba. Fin 1985, elle sort son méga-hit La Polera Amarillo, un succès considérable dans toute l'Argentine et les pays voisins. Au cours des années 90, elle devient la meilleure artiste tropicale, ses disques se placent en tête de tous les charts d'Amérique latine et elle enregistre plus de 10 albums studio. La Polera Amarilla, Gladys. Au fait, Xavier, tu te souviens de Monsieur William ? Si, Monsieur William. Ah ! C'était vraiment un employé modèle, tu sais, toujours exact et toujours plein de zen. Mais qu'allait-il donc faire dans cette 13e avenue ? Oh, Monsieur William ! Monsieur William, vous manquez de tenue, mon vieux ! Le tango de Monsieur William, Catherine Ringer, Bernard Lavillée. C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine sans fredaine, sans le moindre petit drame, mais un beau soir du mois d'août, il faisait si beau, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Monsieur William. Et alors, vous manquez de tenue. Eh ouais, qu'allez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la Pègre. Mais un nègre a voulu prendre la femme, et Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre dans le noir lui a tranché le cou en deux coups de rasoir. Monsieur William, vous manquez de tenue. Eh oui, mon vieux, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il l'a senti. Il l'a senti. Que c'est irrémédiable, Monsieur William. Sans tout en fait, il entendit déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone, chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang. Puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue. Vous êtes mort dans la 13e avenue. Que mange-t-on en Argentine ? Oh, quelques spécialités. Les empanadas, des petits chaussons fourrés à la viande ou aux légumes. Le provolta, un fromage grillé au barbecue, servi croustillant sur les bords et coulant au milieu. La milanaise, une fine tranche de bœuf plongée dans un mélange d'œufs battus, mais passée dans la chapelure, cuite, frite ou au four. Les asiados, la gastronomie en Argentine, c'est surtout de la viande. 70 kilos par personne, c'est trois fois la consommation des Français. Beaucoup de viande de bœuf, d'une tendreté exceptionnelle, et du mouton aussi. Viande crue, grillée, frites, bouillie, ces plateaux de viande sont servis sans accompagnement. Attention, si vous préférez une cuisson saignante ou bleue, c'est pas gagné, hein, il faudra bien insister. Ils n'en ont pas trop l'habitude. Les berenjenas, redenas, des aubergines fourrées avec de la viande hachée, oignon, poivron, et mélange d'épices à faire grimper au mur, mon vieux. Le chimichurri, une sorte de vinaigrette très concentrée en persil, fraîche et épicée, elle est utilisée pour faire mariner la viande. Le pastel de carne, le gâteau de viande, il se présente un peu comme le hachis parmentier, mais avec des olives et beaucoup d'épices. Et puis pour le dessert, les alfajores, l'oreo argentin, une pâtisserie composée de deux biscuits réunis par un remplissage sucré, nappé de chocolat ou de sucre en poudre. Et le remplissage, ben c'est souvent de la confiture de coin ou de la confiture de lait. Le dulce de leche, la confiture de lait, sorte de caramel, on en met partout, dans les crêpes, les gaufres et le pain. Le maté, en Argentine, oh, c'est Dieu Tout-Puissant, un thé typique qui se déguste à toute heure de la journée. Le pasta frola, une pâtisserie avec de la gelée de coing ou de la confiture de patates douces. Les medialunas, des mantecas, sorte de croissant glacé, au sucre et confiture de lait. Et les colecciones, des petits biscuits sablés, une couche de confiture de lait et un nappage au sucre. Une chanson, ben oui, pourquoi pas. C'est à Cabo Jimena. Ya se te acabaron las vidas conmigo. Vamos a hablarlo claro de una vez. Yo no necesito que te hagas mi amigo. Vamos a lo que vamos de una vez. Hace tiempo que tú juegas conmigo, pero ahora es al revés. Porque ahora aquí soy yo la que digo, ¿cuándo es que se va a comer? Dime, esas cosas que me vuelven loca. Me gustas porque sabes dónde tocas. Total, mañana se acabó. Fuiste sacando todo, todo de a poquito. Te llevaste todo, no dejaste nada. Ni un vasito de limonada. Pero está bien, me gusta, prefiero estar vacía. Ahora elijo yo lo que me llena la alcancía. Y a ti también puedo darte un poquito. Si quieres monedita, tu chanchito. Dale, dale, no des vueltas. Es solo por un día, aprovecha la oferta. No pierdas el tiempo, ya pedí la cuenta. Dale, dale, dale, que la noche se está. Troisième coup de chapeau à Gladys La Bomba. Des émissions de télévision, du théâtre en 2018, on la retrouve dans les explosifs au Théâtre des Vacances. Sa discographie, pour l'instant, c'est

c'est le tango des promenades, de parcelles sous les arcades, cerclées de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour, qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serai pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, ou pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, à Rosy, cousine Rosa. Rosa, Rosa, Rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quel est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa. Rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa. Que rapporter d'Argentine? Bon, une bouteille de vin argentin, du Torrontés ou du Malbec. Le Torrontés, c'est un vin qui n'est produit uniquement qu'en Argentine et il a une saveur incomparable. Malbec, c'est un vin issu de cépages ordinaires de Cahors qui s'est parfaitement bien adapté au sol et au climat de l'Argentine et en particulier dans la région de Mendoza, au bord des Andes. Que rapporter un maillot de l'équipe nationale? Maradona et Messi font rêver, et le football en Argentine, c'est quand même une véritable religion. Des produits d'artisanat local, des écharpes en laine d'alpaga, des ponchos, des couvertures, des châles en laine de lama, des sacs, des céramiques, des instruments de musique, des sculptures sur bois et des objets en cuir. Bien entendu, on remportera un CD de Carlos Gardel, ce français toulousain considéré comme la grande figure du tango du milieu du XXe siècle. Il est inhumé au cimetière de Chacarita. La dulce de leche, la confiture de lait, on en a parlé, du lait, du sucre, de la vanille liquide et du bicarbonate. Des alfajores, ces biscuits remplis de dulce de leche et de chocolat. Bon appétit, El Paso de la Fiesta, Pocho la Pantera. Calle te paré, así te conquisté con movimiento, lo logré. Cabeceando te llamé, una sonrisa te saqué. Te tomé de la cintura y a la pista te invité. Es el paso de la fiesta, moviendo bien los hombros y meneando la cadera. Es el paso de la fiesta, sacudiendo los brazos y agitando la cabeza. No es coreografía, es pura simpatía. La predomina y esa es mi filosofía. No trates de imitarlo, es bien descoordinado. Proba tu propio paso y en la pista explótalo. Cuidado con el pasito. No me digas que no. Todos tenemos uno. Cuando estamos bailando siempre nos descubre alguno. Podéis hacer trencito, bien agarradito, disfrutando la noche y alzando las manitos. Es el paso de la fiesta, moviendo bien los hombros y meneando la cadera. Es el paso de la fiesta, sacudiendo los brazos y agitando la cabeza. Es el paso de la fiesta, moviendo bien los hombros y meneando la cadera. Es el paso de la fiesta, sacudiendo los brazos y agitando la cabeza. Y es así, así, así. así, así, y es así. Así, así, así, y es así. Así, así, así, y así, así, así, así, así, así, así. L'amour c'est pour rien, ah tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, mais tu ne peux pas l'acheter. Une chanson de 1964, tango, l'amour c'est pour rien, Enrico Macias. Ne vivent que par deux. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. L'amour c'est l'espérance, sans raison et sans loi. L'amour comme la chance ne se mérite pas. Il y a sur terre un être qui t'aime à la folie, sans même te connaître, prêt à donner sa vie. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le prendre. L'amour c'est pour rien, mais tu peux le donner. L'amour c'est pour rien, l'amour c'est pour rien. Alors je regarde Xavier, il me fait signe qu'il reste encore un peu de temps, et c'est tant mieux. C'est très bien, parce qu'on va se quitter avec Monsieur Carlos Gardel et la comparsita. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere conmigo